Book 2 31 31 في المطعم 3 Au restaurant 3 Au restaurant 3 من فضلك واحد مقبلات Je voudrais une entrée. Je voudrais une entrée. من فضلك واحد سلطة. Je voudrais une salade. Je voudrais une salade. من فضلك واحد شوربة. Je voudrais une soupe. Je voudrais une soupe. من فضلك الحلوى. Je voudrais un dessert. Je voudrais un dessert. من فضلك واحد ice cream مع كريمة. Je voudrais une glace avec de la crème fraîche. Je voudrais une glace avec de la crème fraîche. من فضلك فواكه أو جبنة. Je voudrais un fruit ou du fromage. Je voudrais un fruit ou du fromage. من فضلك نريد أن نفطر. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. من فضلك نريد أن نتغدى. Nous voudrions déjeuner. Nous voudrions déjeuner. من فضلك نريد أن نتعشى. Nous voudrions dîner. Nous voudrions dîner. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Que désirez-vous pour le petit déjeuner? Que désirez-vous pour le petit déjeuner? خبز حمام مع المربى والعسل. Des petits pains avec de la confiture et du miel. Des petits pains avec de la confiture et du miel. خبز توست مع سجق وجبنة. Des toasts avec de la saucisse et du fromage. Des toasts avec de la saucisse et du fromage. بيضة مسلوقة. Un œuf à la coque. Un œuf à la coque. بيضة عيون. Un œuf au plat. Un œuf au plat. Omelette. Une omelette. Une omelette. من فضلك واحد زبادي آخر. Encore un yaourt s'il vous plaît. Encore un yaourt s'il vous plaît. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Encore du sel et du poivre. S'il vous plaît. Encore du sel et du poivre, s'il vous plaît. من فضلك كوباية ماء أخرى. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît.